On est dans la section entrevue de danradiosport.com pour le temps des fêtes et on continue nos entrevues avec des anciens castors. Et là, j'ai René-Yves Boudreau qui a joué avec les castors de Delbault dans les années 50. Bonjour René. Salut. René, précisément, en quelle année tu as joué pour les castors à peu près? La première année que j'ai joué junior, j'ai joué pour Alma. OK. En 55-56. OK. Puis après ça, l'année, il y avait les deux équipes de Québec, Frontenac-Victoria. Puis l'année d'après, les deux équipes de Québec se sont retranchées. Les coûts étaient trop dispendieux. Oh, oui, pas joué ici. Fait que Delbault a entré dans la Ligue des Castors, dans la Ligue junior. Puis là, vu que j'étais de Delbault, fait que ils m'ont rapatrié tout de suite. Fait que j'ai joué 56-57. 57-58, 58-59 à Delbault. Donc, les trois belles années. T'as-tu joué avec Rosa Leclerc, Yvon Junot? C'est dans pas mal de ces années-là aussi, hein? Moi, la première année des Castors, il y avait Alain Boum-Boum Caron. Oui, qui a joué avec les Nordiques de Québec de l'Association mondiale. Il a joué pour les vieux Saguenay-Chicoutimi aussi. OK. Puis Alain Caron était mon allié droit la première année junior aussi. OK. Avec Réginald Lamotte, que j'avais comme allié gauche. OK. La première année des juniors à Delbault. Donc, tu étais sur le premier trio? Sur le premier trio, Alain Caron, il avait joué 45 games, puis il avait scoré 69 buts. Puis toi? Moi, j'avais joué toutes les parties. Je pense que je n'avais manqué une. OK. Là. Mais j'avais 30 que buts, là, avec 50 que à 7. OK. Alain Boum-Boum-Caron a joué dans la Ligue Association mondiale. Même, il n'a pas joué même dans la Ligue nationale. Il a joué à l'Association mondiale, oui, c'est sûr. Il a joué un peu dans la Ligue nationale. Il a joué pour les Cils d'Auckland. OK. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Moi, j'en ai entendu parler. Il y avait les patins blancs. Oui, j'étais un peu trop jeune. Ouais. Et toi, tu as dû en profiter. S'il y a des recruteurs qui nous voient, as-tu profité de voir un peu? Ouais. Moi, ma dernière année junior. Ouais. Les vieux Saguenay de Chicoutimi qui jouaient contre le Royal de Montréal, les Ors de Québec. Ça, qui a été remplacé par les Saguenay de Chicoutimi du Junior Major, c'est ça? Ouais, mais c'est pas arrivé subito presto. OK, là. OK. Fait que moi, ma dernière année junior, j'ai joué les trois dernières parties des vieux Saguenay de Chicoutimi. OK. Parce qu'il y avait un joueur de centre qui était blessé, parce que moi, j'étais un joueur de centre. Ouais. Puis il y a un joueur de centre qui était blessé. Ça fait que j'ai joué les trois dernières parties, deux contre les Ors de Québec. Puis une contre le Royal de Montréal, qui était la dernière. Okay. Mais c'était la fin, ça, des vieux Saguenay de Chicoutimi. Les autres, il y avait la grosse équipe de la Ligue. Okay. Ils finissaient en tête avec... Ça, c'était avant la Ligue Junior du Québec, ça. Oui. Okay. Puis les joueurs de Chicoutimi étaient très, très bien payés. Ouais. Mais dans ce temps-là, quand il arrivait les séries, les playoffs, autrement dit... C'est la Ligue qui payait les joueurs. Okay. Fait que les joueurs de Chicoutimi baissaient de salaire. Okay. Fait que moi, après la game, que j'avais été joué la dernière contre le Royal à Chicoutimi, ils ont eu une réunion, les joueurs. Okay. Ils étaient 7-8 en tête de ça. Ouais. Puis eux autres, ils ont décidé de demander à la Ligue, ça se faisait par téléphone, puis, de leur assurer un meilleur salaire que la Ligue voulait le donner. La Ligue a jamais voulu. Okay. Fait que les gars, ils ont dit, on ne joue plus. Ça représentait quoi comme salaire, à peu près? Je ne sais pas. Okay, tu sais pas. Okay. Moi, quand j'ai été jouer ces games-là, ils me donnaient 50$ la partie. Quand même. Puis ils payaient tout mon transport. Puis si je suis obligé de coucher à Chicoutimi, ils payaient mon coucher puis mes repas. Okay. Comment tu te débrouillais dans les trois matchs? T'es-tu bien débrouillé dans ces matchs? Oui. Disons que j'ai eu peut-être une coupe de passes, là, mais pas plus que ça. Là. Okay. Ben, je jouais sur le dernier trio, si tu veux. Mais on avait gagné les trois games, les deux contre Québec, contre le Royal, parce que Chicoutimi, il y avait vraiment une grosse équipe. OK. Dans tes années avec les Castors, vous avez-tu gagné des championnats? Vous avez-tu... Non. On a très bien figuré. La première année, il y avait six équipes. OK. Puis on a fini en quatrième position. OK. On a fini avant Alma, puis avant Carvida, je pense. OK. Mais dans mon temps junior, moi, la grosse équipe, c'était Port-Alfred. OK. Ce qu'on appelait. On dit la baie. Ouais. Mais Jean-Claude Tremblay jouait là. Et monsieur, OK. Jean-Claude Tremblay, c'est un allié gauche dans le temps. OK. Puis, donc, c'était quand même très fort. Tu me dis Alain Boum-Boum-Caron, Jean-Claude Tremblay. Joe ça. Hardy, t'es-tu dans le même... Non, c'est après. C'est après, OK. J'ai joué de la balle avec Joe Hardy, par exemple, à balle rapide. OK. Avec Joe, je le connais très, très bien. Oui, il partit très vite, Joe. Fait que finalement, ben, écoute, donc la première année, quatrième position, la deuxième année? La deuxième année, on avait de la misère. Là. OK. Tu sais, il y avait un recrutement. C'est là que... Combien il y avait de joueurs au camp d'entraînement dans vos années? Oh, dans ce temps-là, on avait peut-être une trentaine, je suppose. Il y en a plusieurs qui venaient, là. Parce que nous autres, on avait même Robert Val. On avait des gens de Robert Val, de Saint-Félicien, qui venaient. Puis même la première année junior, ici à Delbeau, on avait deux gars de Saint-Félicien, puis un de Robert Val, certain. OK. Puis c'était dans le coin ici, là, tu sais. Ouais. C'est surtout les endroits que... Jacques Bellemare recrutait. Là, okay. C'était c'était votre entraîneur, Jacques Bellemare? Oui, Jacques Bellemare, oui. Le premier président des Castors ici, c'était Wilfred Noël. OK. Ah oui, OK, mais c'est quand même pas pire. Oui, Wilfred Noël qui était le premier président. Et la troisième année? La troisième année, on avait de la misère. On figurait, là. Okay. Mais tu sais, veux dire, on n'avait pas une équipe à tout casser, là. Tu sais, on figurait... On figure assez bien. Mais toi, tu t'es impliqué pas juste comme joueur, tu t'es impliqué comme entraîneur aussi avec les Castors de l'Elbeau. Pas avec les Castors. Non? Non, non, non, non. Parce qu'on le voit dans le livre de Michel Simon. Oui, ça c'est avec les Festivals du Nord. OK, les Festivals du Nord, qui était une équipe qui était commanditée par les festivals. C'est l'époque, c'était, mettons, le Festival du Bleu donnait un montant, le Festival Western donnait un montant. Non, pas nécessairement. OK. Ça, c'est Benoît Tremblay. Qui s'occupait du golf, l'ancien journaliste de CJPM. Oui, c'est ça. Qui est décédé il y a quelques années. Clément, pas Clément, mais Benoît. Okay. Benoît Tremblay, okay. Qui était maître de poste à ce temps-là. Ouais. C'est un gars de Kenogami qui était venu ici. Puis c'est lui qui avait parti ça, le Festival du Nord. Okay. Puis moi, dans ce temps-là, je travaillais au club de golf. Fait que l'hiver, je travaillais pas. Puis il m'avait demandé ça. Mais c'est parce que ce qui arrive dans ces histoires-là, c'était avec les questions de grade. OK. Puis pour être instructeur d'une équipe junior dans ce temps-là, il fallait être ton grade, toi. OK. Puis toi, tu avais grade 1? Puis moi, je n'avais pas de grade. OK. Fait que là, la première année, j'avais le droit de passer deux grades, le grade 1 puis le grade 2. Okay. Mais je ne pouvais pas passer de grade 3. OK. Ça a fait jusqu'au fait. Mais à partir du 1er janvier, c'était la date limite pour avoir ton grade 3. OK. Fait que là, quand est arrivé cette date limite-là, j'ai tout demandé, c'était le garçon Benoît Richard, qui était en éducation physique ou gérant de l'aréna à Normandin, en tout cas. Là. Richard Tremblay, Le garçon Benoît. OK. C'est lui qui était obligé de venir signer line-up, parce que je ne pouvais même pas signer line-up. Il n'y avait pas d'autres instructeurs à l'époque qui auraient pu le faire? Ben, pas ici à Delbeau. OK. C'est parce que ça, c'était tout dominé par le Saguenay. C'est le Saguenay qui décidait tout. OK. On a toujours été loin de ça, nous autres. Ici à Delbeau... Il ne restait pas fédéré comme aujourd'hui. Non, c'était pas organisé comme aujourd'hui. C'est ça. Okay. Ça fait que là, à un moment donné, là, quand est arrivé, on a fait peut-être 5-6 games, 7-8 games. Là. Mais là, à un moment donné, Richard, on ne pouvait plus se déplacer de même, puis c'est ça. Ça fait que là, ben, on a demandé à Robert Sordeville de venir coacher, parce que moi, je ne pouvais plus, là. Mm. Je ne pouvais même pas signer l'alignement. Ça fait que... Bonjour, merci. Hein. Ben, c'est sûr, tu étais quoi, une dizaine de games? Oh non, j'étais tout le début de la saison. Okay. Hein. Peut-être un 18-20 parties. Là. Okay. Mais j'avais un nommé Fleurant. Je ne me souviens pas de son prénom, je pense. Et lui, il travaillait à Saint-Félicien. OK. Puis lui, Fleurant, il s'attendait de coacher. Lui, il avait un grade 5. Mais à un moment donné, quand il s'est aperçu que ça ne marchait pas trop, puis ici, puis c'est ça, lui, il a lâché. Okay. Lui, il a lâché avant les fêtes. Ça fait que moi, je suis tombé tout seul avec l'équipe. Puis j'avais juste un grade 2. T'avais-tu ton soignant? Ça là, Thomas, puis j'ai les frères Ouellet. Devait être là, dedans. Thomas Ouellet, toi. Thomas Ouellet. Ouais. Ouais. Moi, dans la sommet, au tout début des Castors, c'était Yvon Marceau, qu'on appelait Caporal. OK. c'est lui qui s'occupait de l'équipement. On l'appelait caporal parce qu'il y avait une petite frotte d'armée. Okay. Donc on l'avait baptisé caporal. Ah, c'est bon ça. Ouais. Dis-moi, dans tes années, tout le monde des castors, tout le monde me dit il y avait du monde. Hein, il y avait beaucoup de monde. On voit là dans le livre à Michel Simard, des 50 000 personnes, 52 000 personnes. Tout le monde me disait oui, dans ce temps-là, c'était vrai, mais il n'y avait pas d'autre chose à faire que ça. Les gens ne pouvaient pas. Il y avait du skidou de temps en temps, mais c'est tout. Mais la motoneige arrivait après ça. OK. La motoneige arrivait après ça. Parce que moi, quand j'ai fini mon junior, ouais, j'étais allé jouer dans le canton de l'Est, j'étais allé jouer pour les Vicks de Granby. OK. Ça, ils appelaient ça la Ligue provinciale, mais c'était du professionnel. Tu avais des anciens. Un peu comme la Ligue nord-américaine de hockey aujourd'hui. Si tu veux. Si okay. tu veux, tu avais des gars qui arrivaient... Ça jouait-tu dur, ça jouait-tu... Oh oui, oui, ah, oui. Okay. Tu avais des gars qui arrivaient de Ligue américaine, puis ouais, des anciens joueurs de Ligue nationale. Ça ressemble à la Ligue nord-américaine. Oui, c'est ça. Parce que, gars, Canadien, dans ce temps-là, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, Gilles Dubé, Jerry Plamondon, Normand Dussault, ça jouait pour Canadien, ça jouait... Dans leur filière? 5, 6, 7 ans. Même non, Canadien non, Montréal? Pour Canadien. Ah oui, OK. Puis eux autres, quand Dick Irvin arrivait à Montréal, okay. lui, il est mis dehors. Un okay. petit Québécois, puis il est allé recueillir sa gang de l'Ouest. C'était quoi? C'était des joueurs réservistes? Parce que non, moi, non, c'est non, des... non, non, non, non, non, non, non, c'était des joueurs réguliers. OK, OK. Puis ça, c'est, il y avait... il est allé chercher Masnick, McCormick, Mazur. Ça, c'était la gang de l'Ouest qui arrivait. OK, OK. Fait que Plamondon, puis Dubé, puis Dussault, ça s'est ramassé à Sherbrooke. OK. Puis moi, je me souviens à Granville de jouer contre eux autres, parce que Dubé était un joueur instructeur puis propriétaire de l'équipe de, okay. de Sherbrooke, dans la Ligue provinciale. Donc, ça devait jouer assez dur quand même. Ça brassait. Les frères Picard, Noël Picard, qui a joué dans la Ligue nationale, qui a joué pour Canadien. Robert? Robert, son père jouait avec nous autres, Gilles. OK, OK. Il y avait Gilles, Roger, puis Noël jouait pour le Montréal Olympique. Okay. Mais Gilles puis Roger jouaient avec nous autres, le père de Robert. Robert Picard. Robert, moi, je l'ai vu, là, il y avait 6 ans. OK, OK. Dis-moi, fait que t'as joué combien de temps avec eux autres? J'ai joué 3 années complètes. OK. À ma 4e année, je suis venu me promener dans le temps des fêtes ici à Delvaux. Puis on a eu un accident de tour, puis j'ai pété le fémur. OK. Un accident. Donc là, ta carrière a été... Là, c'était fini pour les Vicks de Granby. OK. J'avais 25 ans. Ça te payait-tu? Oui, on avait un salaire, puis on avait... Ils nous fournissaient un emploi aussi. Okay. Ah ouais, donc c'est quand même très, très intéressant. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu retiens de ton passé avec les castors? Moi, j'ai eu bien du plaisir. Ouais. Puis j'ai connu un paquet de gens, j'ai resté... Avec des amis là, ouais. qui ont joué junior, comme je te dirais, Régent Côté qui reste à l'île des Sœurs, à tout bout de champ, j'ai des nouvelles de Régent. Marc Parent, qui était le premier capitaine des Castors juniors, qui reste il reste dans le quartier italien à Montréal. Okay. On se téléphone à tout bout de champ. J'ai resté avec un paquet de... Puis l'autre fois, au lancement du livre de Michel, c'est le fun oui. de revoir des anciens aussi. Parce que c'est qui me disait ça? C'était Michel Simard ou peu importe. Dans une entrevue, on s'est rappelé des souvenirs lors de ce lancement du livre-là. Bien sûr. Fait que c'était vraiment une bonne idée. Alors, je te dis que Michel, le livre de Michel, c'est vraiment extraordinaire. Oui. Comment? Parce que comme Rosaire Leclerc, là, c'était mon aldouette. Ouais. Lui, Rosaire. Rosaire, c'était un marqueur. Hein? On peut dire que c'était un. Et c'était un gars qui avait vraiment un bon coup de patin. OK, OK. Vraiment un bon coup de patin. OK. Et c'est un gars qui était vite, puis j'y avais même déjà dit, puis quand on jouait au golf, il me l'avait noté un peu. Ouais. Puis j'avais dit à Rosaire, quand t'es sur le fly, en entrant dans la zone, si je te donne pas de pas, fais-moi un heureux. Okay. Jack Delmore, tu m'as parlé de lui. Quel genre d'entraîneur c'était? C'était un gars très dur. OK. Mais c'est un connaissant de hockey. C'est un gars de Shawinigan, Ned Shawinigan. Lui, il était ici en raison de l'usine, j'imagine? Non. Même pas? La vieille ligue du KLS. OK, moi, je l'ai entendu parler. Bon, ça, lui, il est arrivé ici avec Camille Lupien, ce gang-là. Là, tu sais, là. Okay. Moi, je les ai tous connus parce que j'ai un de mes frères qui était préposé à l'équipement pour ces castors-là. OK. Fait que moi, j'étais jeune, puis j'allais dans la chambre. OK. D'où vient le nom des castors, hein? Je ne sais pas. OK. Je ne sais pas. C'est les premiers temps de la Ligue du KLS qui ont décidé de porter le nom de Castor. Je ne sais pas. Dans ce temps-là, c'est qu'ils réglaient pas mal tout ça. Ils appelaient ça l'OTJ. Oui, le TJ, qui était le complexe sportif du secteur de Dolbeau dans le test. Oui, là, des terrains de jeu, qu'il y a plein. OK. Où, pour les gens qui étaient situés, où le complexe sportif, pour les gens qui savent? Oui. OK. Eux autres, le complexe sportif, il y avait un bureau. Oui, oui. C'était quasiment les notables de la place. M. Philippe Simard, M. Élie Gagnon, qui avait l'agence de bière. C'est eux autres qui chapeautaient ça, là. C'est okay. L'œuvre des terrains de jeu. OK. Ben René-Yves, bravo, c'est pas mal intéressant, mais merci beaucoup. Donc, on invite les gens à aller se procurer le livre. Il est disponible à la librairie centrale du secteur de Dolbeau. C'est au coût de 60 $. Faites vite, parce qu'il n'en reste pas beaucoup.